Un roi nu, de Albert Hadès, lu par Ramina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence creative.commode.org. Plus tard, quand je serai mort, mes livres serrés entre d'autres livres pourront attirer un regard. Et dès qu'un d'eux sera ouvert, ma pensée jaillira comme aujourd'hui, reprenant le fil d'une vieille histoire. Signé Albert Hadès.